Oui, qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est tout? On va parler des... Comment vous appelez? Bonjour, je vais essayer. Et vous? Oui, bon, on savait qu'on partait pas, donc... Et là. Donc, ici, ça passe. 8 euros, s'il te plaît. Thank you.